et midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Bonjour. Pardon. Vous êtes à l'écoute d'Angle d'attaque sur les 106,6 MHz de Radio Campus ou en DAB+, ou sur le site de campuslille.com, ou bien même depuis notre archive d'émissions, tiens. Vous allez écouter une émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise, Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Au micro, Florent, Morgane qui sont des habitués, mais aussi René et Ludovic qui sont de retour à l'animation pour ce sujet d'actualité, la potentielle, actuelle ou future crise financière de l'IA. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle générative, dont vous entendez parler partout depuis 2023, mais il y a des questions qui commencent à faire craquer le vernis de la révolution numérique internationale vertueuse et incontournable. Des questions comme, combien ça coûte réellement une IA? Quand est-ce que les marges vont exploser pour rembourser les investisseurs? Et à la fin, qui va payer? Pour creuser ces questions, nous avons en ligne Romaric Godin. Romaric, bonjour. Bonjour. Bonjour. Je vais vous présenter. Donc, vous êtes journaliste économique historiquement à La Tribune, puis à Mediapart depuis 2017. Vous avez publié en début d'année un essai nommé « Le problème à trois corps du capitalisme » aux éditions La Découverte. Et vous avez publié récemment deux articles pour Mediapart dans une série intitulée « L'intelligence artificielle, est-ce une impasse économique ?» On va plonger dans le sujet et du coup, je laisse la première question à Morgane. Oui. Alors, l'éclatement d'une bulle financière, l'image n'est pas forcément bonne. C'est pas forcément une explosion imprévisible, mais plutôt une chute de domino. On voit qu'il y a un peu des tensions sur les marchés financiers, déjà quelques signes, avec notamment des hausses de taux pour les entreprises de la tech. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'approche d'une explosion de la bulle de l'IA ou un dégonflement ou que sais-je? Écoutez, moi je suis très prudent là-dessus parce que en fait, on peut toujours le prédire, mais c'est vrai que voilà, ça, prédire. Enfin, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des conditions qui aujourd'hui posent des vrais problèmes à cette fuite en avant des investissements et des hausses de cours liées à l'IA. Après. Il y a aussi des dynamiques qui permettent de maintenir en fait cette bulle pendant un certain temps. Dire qu'on s'en approche, oui, on s'en approche forcément, mais effectivement, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va déclencher un éventuel éclatement de la bulle, ni même la forme que cet éclatement prendra. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, au rythme où vont les choses actuellement et compte tenu des niveaux de rentabilité attendu et ce qu'on découvre en fait au fil du temps qui est la structure de coût hein, de cette industrie, en fait on se rend compte que là on est dans une logique de fuite en avant qui est une logique de bulle. Tout ce qu'on peut dire c'est ça, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui vraiment s'apparente à de la bulle. Le problème de la bulle c'est qu'elle s'auto-entretient tant que on veut bien y croire. Donc c'est la question un peu de cette croyance et de son maintien qui va maintenant se poser, mais ça peut durer encore un an comme ça peut éclater dans quelques semaines. En fait ça c'est extrêmement difficile, c'est ce qu'on apprend en fait aussi des bulles spéculatives, c'est que évidemment on peut identifier qu'elles existent. Maintenant savoir quand est-ce qu'elles vont éclater, ça c'est un art que moi, en tout cas, j'ai pas et qui est extrêmement, extrêmement périlleux. Oui, bonjour Romaric. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que ce serait une crise systémique, un peu comme la crise des subprimes où les banques n'osaient plus se prêter, et est-ce qu'elle pourrait toucher le monde entier et particulièrement les banques françaises qui ont pas mal investi dans l'IA, notamment dans CoreWave, je crois. Oui, alors en fait, Ce qu'on peut dire, c'est que compte tenu des niveaux d'investissement qui sont mis maintenant en jeu, hein, depuis 2 ans, et c'est pas un hasard, on y reviendra peut-être, hein, c'est parce que évidemment l'IA se présente comme une solution à plusieurs problèmes actuels du capitalisme, et donc eh ben évidemment les investisseurs considèrent que c'est un peu une martingale, que ça va apporter ça va rapporter énormément d'argent, et donc évidemment il y a un investissement massif. Et en fait cette massivité de l'investissement amène à penser que effectivement cette bulle devient systémique. Elle devient systémique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est elle qui soutient en fait très largement la hausse des marchés. Hein, on a vu cette semaine en fait une entreprise qui fabriquait des chaussures aux États-Unis qui a décidé de devenir un acteur de l'IA dans la journée, et son cours de bourse a augmenté de 600%. Donc il y a quelque chose qui est évidemment de l'ordre un peu voilà de l'unicité, les cours financiers aujourd'hui des bourses dépendent très fortement de l'IA. Donc effectivement, si la bulle de l'IA éclate, bah en fait il va y avoir une crise financière qui va en fait toucher évidemment les entreprises de l'IA, mais tous les investisseurs et toutes les autres entreprises dont les perspectives de rentabilité faibles vont devenir plus évidentes, et donc il y aura effectivement quelque chose qui sera très fort pour l'intégralité du système financier. Là-dessus, deuxième élément, et vous l'avez indiqué, c'est que puisque c'est présenté en fait comme la dernière façon de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des taux de rentabilité très élevés, bah, en fait, les banques et les investisseurs privés ont investi massivement dans ces entreprises, et donc vont, en cas d'éclatement de la bulle, devoir évidemment bien ajuster ces pertes dans leur compte, et dans le cas des banques, ça veut dire eh ben être plus regardant sur la distribution de crédit, voire demander évidemment l'appui des États s'il y a besoin. Donc forcément on est dans ce cadre-là, on est dans un cadre qui est celle vraiment d'une fuite en avant, et qui est non pas une fuite en avant uniquement d'un secteur technologique, mais une fuite en avant du secteur financier, et derrière le secteur financier de l'ensemble en fait du système économique, parce que l'IA en fait est perçue comme une solution non pas uniquement pour la tech ou pour la finance, mais aussi pour l'ensemble du secteur financier. Donc c'est toutes les perspectives du secteur économique. Donc c'est toutes les perspectives de l'économie mondiale qui serait revue drastiquement à la baisse, et donc il y aurait des ajustements qui seraient forcément extrêmement violents. Oui, donc le financement circulaire dont on a parlé ne pourra pas empêcher donc une crise de grande ampleur et de grande ampleur. Non, parce que en fait ce financement circulaire, bah déjà si on a une révision à la baisse très forte des perspectives de rentabilité des acteurs, bah en fait comme tous les acteurs sont liés les uns aux autres, en fait bah ça va démultiplier en fait l'effet sur les acteurs, puisque bah en fait ils vont engranger les pertes des autres, hein, ils sont partie prenante dans les gains des autres mais aussi dans leurs pertes. Mm-hmm. Donc effectivement il va y avoir un effet démultiplicateur, et puis surtout en fait cette économie circulaire, hein, où en fait, pour peut-être préciser, ce sont les acteurs de l'IA qui financent les autres acteurs de l'IA, hein, et ces autres acteurs de l'IA financent les acteurs qui les financent eux-mêmes, donc il y a cette imbrication. Mais en fait, ça n'est qu'une partie en fait du financement, parce qu'encore une fois, ce financement est tellement massif qu'il implique beaucoup d'autres façons de se financer. Donc pour les grands, les big tech, hein, il y a évidemment leur propre liquidité, mais il y a aussi le recours au crédit classique, aux obligations d'entreprise classiques, à des formes de financement hors bilan, ce qu'on appelle hors bilan, avec la création d'entreprises ad hoc dans lesquels viennent en fait ou des banques ou des investisseurs privés, et puis il y a effectivement encore d'autres formes de financement, parce que là on a un développement qui va avec la bulle de l'IA, hein, de l'ingénierie financière qui se met en place. Donc en fait, quand bien même cette économie circulaire serait une sorte de protection, ce qu'elle n'est pas en fait, puisque encore une fois, ils sont partie prenante des pertes, des gains et donc des pertes, quand bien même ce serait le cas, en fait, il y a d'autres éléments qui font que de toute manière, la révision des perspectives de croissance de l'IA entraînerait obligatoirement en fait des effets en chaîne dans d'autres éléments qui finiraient par revenir jouer sur les acteurs de l'IA eux-mêmes et donc sur l'économie circulaire. Oui, et je fais une dernière. Est-ce que les investissements donc dans l'IA sont adossés sont titrisés et adossés à des CDS comme on l'a vu pour les subprimes ou non? Alors c'est moins des CDS comme enfin ce système quoique en fait aujourd'hui la titrisation revient en odeur de sainteté dans les secteurs financiers. Ah oui. Et donc il est pas du tout exclu qu'il y ait déjà des éléments de titrisation qui se mettent en place ou des éléments qui vont se mettre en place. Là, en fait, ce qu'on voit plutôt, c'est le développement hein, de qui est une forme de titrisation, mais de véhicules financiers ad hoc, hein, qui sont destinés, par exemple, à financer un data center, un centre de données, dans lequel en fait une big tech va mettre en place un financement croisé avec des banques, des gestionnaires d'actifs, des investisseurs privés. Cette société devient la propriétaire officielle du data center et la big tech paye un loyer en fonction hein, des revenus attendus du data center, paye un loyer à cette entreprise ad hoc. Évidemment, si le data center n'est pas aussi rentable qu'attendu, eh ben, évidemment, l'entreprise ne pourra pas payer le loyer ou ne voudra pas payer le loyer. Et donc, il y aura des pertes qui seront induites par les investisseurs en question. L'avantage pour la big tech, c'est que c'est du hors bilan, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans son bilan de dette, hein, comme ça. Mais le risque, c'est que en fait, eh ben, la crise se transmette à d'autres acteurs du système financier, y compris évidemment hein, à des banques classiques qui y verraient un moyen de participer à la bulle IA avec certaines garanties, mais évidemment en prenant pleinement le risque de ces choses-là. Donc c'est plutôt ces choses que l'on voit pour le moment, mais encore une fois, ça va très vite et les besoins de financement sont tellement élevés qu'il ne faut pas exclure un recours à de la titrisation classique, hein, par exemple titrisation de data center, titrisation de logiciels, titrisation même de puces, puisque ces systèmes en fait de SPV, hein, d'entreprises ad hoc, aujourd'hui elles peuvent servir à acheter des data centers, mais aussi à acheter des puces spécialisées dans l'IA qui sont extrêmement chères. Et qui sont ensuite loués à des SPV spécialisés dans les data centers. Donc, vous avez un système aussi hein, de cascade qui est mis en place et qui, là, ressemble quand même très furieusement à ce qui s'est fait dans les années 2000, 90-2000, hein, avec des systèmes de titrisation en cascade. Alors là, c'est un peu différent, mais on a bien cette mise en cascade qui est quand même en train de se mettre en place. Alors, autre question, la question effectivement du besoin d'autant d'investissement concernant l'IA, les entreprises d'IA ont énormément besoin d'investissement. Comment vous l'expliquez en fait? Bah, en fait, on se rend compte que l'IA, en fait, ça a commencé un peu comme la bulle Internet. En fait, on pensait que ça allait être un système un peu type ce qui s'est mis en place dans les années 2000, c'est-à-dire un système d'économie numérique avec une très faible intensité en capital, en fait, hein, où en fait vous avez pas besoin d'infrastructures majeures pour pouvoir gagner de l'argent, en fait. C'est le système numérique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et effectivement, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous avez la maîtrise, en fait, de votre clientèle, hein, si vous arrivez à tenir des clients, ben, en fait, c'est de l'argent, c'est presque un système de rente avec des coûts très faibles et des revenus qui sont très élevés. C'est le système des big tech classiques, des GAFAM, hein, comme on le connaît aujourd'hui. Et évidemment, le point de départ de la bulle de l'IA, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pensé, en se basant sur ChatGPT, qu'on allait avoir ce type de système qui allait se mettre en place. Sauf que, en fait, progressivement, on s'est rendu compte que le système de l'IA générative, et notamment des grands modèles de données, hein, sur lesquels sont basées les IA génératives, bah, en fait, elles avaient besoin d'infrastructures majeures, en fait, d'infrastructures immenses et physiques, c'est-à-dire typiquement ces puces et ces centres de données pour aller très très vite. Hein. Il y a évidemment d'autres infrastructures nécessaires, mais en fait, ce sont les deux grandes infrastructures. Et on s'est rendu compte que ces infrastructures, ben, en fait, elles étaient extrêmement coûteuses. Elles sont coûteuses à fabriquer, elles sont coûteuses à entretenir et elles ont une durée de vie qui est très limitée. Donc, il y a, en fait, une intensité en capital qui n'a rien de commun avec l'économie numérique telle qu'on la connaissait jusqu'alors. Et évidemment, ce besoin en capital nécessite des fonds non seulement massifs, mais aussi permanent, hein, c'est puisque effectivement il y a ce besoin de renouveler en permanence les infrastructures, hein, la durée de vie d'un data center, en fait, durée de vie au sens où effectivement ce qu'il y a dedans, la durée de vie des serveurs et de l'infrastructure en tant que telle, bah c'est de l'ordre, on ne sait pas exactement, mais c'est de l'ordre de 2 à 6 ans. Donc effectivement, ça veut dire qu'il faut renouveler en fait, ces investissements de façon permanente. Donc, il faut énormément d'argent pour ça. Et l'autre élément, c'est que les GAFAM, eux, et les nouveaux acteurs de l'intelligence artificielle, eux, ce qu'ils visent, c'est en fait la domination. C'est-à-dire, ils visent en fait à renouveler le système de l'économie numérique, c'est-à-dire un système de semi-rente où en fait, on capte les utilisateurs pour pouvoir leur faire payer très cher les services. Et donc, pour être, en fait, celui qui va capter les utilisateurs, eh ben, il faut être celui qui est le plus présent et donc il faut avoir les infrastructures les plus importantes. Donc, ça veut dire qu'il y a une course en ce moment à l'infrastructure, à l'innovation d'abord, hein, pour essayer d'avoir les nouvelles technologies avant les autres. Et puis, pour tenir ces technologies, il faut des infrastructures. Et c'est pour ça qu'on voit, en fait, ce gigantisme, hein, des investissements. Et moi, c'est ce qui me fait dire qu'on est moins, en fait, dans un système proche de la bulle Internet des années 2000 que dans un système qui est proche plutôt de la bulle des chemins de fer des années 1850-1860. Parce que, effectivement, dans le cas des chemins de fer, c'était la même chose. C'est-à-dire, il fallait, en fait, investir massivement dans les infrastructures avant de pouvoir, en fait, commencer à espérer être rentable. Et la bulle des chemins de fer a explosé, en fait, au début des années 1870, précisément parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les chemins de fer ne seraient jamais rentables à hauteur des investissements qui ont été consentis. Et donc, effectivement, il y a eu une révision à la baisse, souvent des interventions de l'État, des soutiens de l'État pour pouvoir en fait rendre cette industrie finalement rentable. Mais ça s'est passé par, évidemment, un krach financier. Donc, moi, ça me fait penser qu'on est plus dans cette logique-là, hein, avec une industrie qui est très intense en capital que dans une logique qui était plutôt celle d'une économie intangible, qui est celle de l'économie numérique classique. Oui, ça serait plus une bulle industrielle qu'une bulle financière, finalement. Est-ce qu'on peut... En fait, c'est un peu les deux. Hein. On est un peu dans un... Typiquement, encore une fois, si on regarde ce qu'a été la bulle des chemins de fer au XIXe siècle, c'est en fait un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a effectivement le développement d'une industrie avec des infrastructures extrêmement lourdes à financer et des banques qui ont participé en fait à ce financement et qui effectivement sont les premières victimes de la crise financière, du rétablissement, on va dire, de l'équilibre financier qui se fait par l'éclatement de la bulle. Donc, effectivement, c'est une bulle industrielle, mais on peut pas dire que ce soit plus une bulle industrielle qu'une bulle financière, parce que c'est une bulle vraiment où l'industrie et la finance sont extrêmement imbriquées, en fait. Ouais, là, on arrive à la question des limites physiques et des conséquences que ça va avoir. Notamment, on parlait des infrastructures. Là, il y a une demande de grands data centers. Et par exemple, pour faire ça, il faut des grandes dalles de béton. Et en fait, ils laissent pas le béton sécher. Ils laissent pas le béton sécher correctement, par exemple. Et ça pose des soucis. Là, vous parliez des composants qui ont une durée de vie limitée, surtout quand il y a un usage intensif, en fait. Quelles sont les limites physiques et quelles pourraient être les conséquences, du coup? Bah, c'est vraiment la question qui est fondamentale, en fait, dans cette bulle Internet. Dans cette bulle de l'IA, excusez-moi. C'est qu'on a vraiment une potentialité technique immense, ok, très bien, bon, voilà, dont on pourrait aussi discuter d'ailleurs la réalité. Mais on nous vend cette potentialité technique. Sauf que pour réaliser cette potentialité technique, effectivement, il y a des contraintes physiques et des contraintes économiques, les deux allant ensemble, hein, qui sont extrêmement importantes. Donc vous l'avez dit, en fait, il y a un double élément. C'est d'abord la massivité, on l'a dit, hein, des infrastructures nécessaires. Et puis, il y a le fait que, eh bien, il y a cette compétition, hein, entre les grands acteurs pour être celui qui va s'imposer ou un de ceux qui vont s'imposer à la fin comme le vainqueur de l'histoire. Hein. Une bulle industrielle ou une bulle financière, c'est toujours ça. On l'a connu aussi pendant la crise, la bulle Internet. Hein. C'est une fuite en avant, en fait, des acteurs pour être celui qui va rester, en fait, à la fin. Y compris lorsque, d'ailleurs, la bulle aura éclaté. Alors souvent, en fait, ce sont d'autres acteurs qui viennent, parce que c'est ceux qui sont pas passés par la bulle qui récupèrent la mise. Hein. En fait, il y a pas Google, il y a pas Facebook, il y a pas tous ces acteurs-là dans la bulle Internet des années 2000. Hein. Il y a un peu Apple, mais qui est pas lié, en fait, à la bulle .com en tant que telle. Donc, on voit bien que c'est un peu plus complexe que ça. Et là, je faisais un détour, excusez-moi. Mais en fait, là, il y a cette fuite en avant. Et donc, cette fuite en avant, elle suppose d'aller très vite. Et donc, elle suppose d'essayer de nier, en quelque sorte, les contraintes physiques de cette industrie. Donc, vous l'avez dit, on laisse pas sécher le béton, mais aussi on va effectivement construire des data centers de plus en plus massifs, dont la rentabilité est en fait extrêmement incertaine, dont les effets sur la consommation d'électricité, la consommation d'eau, sur la bétonisation des sols est complètement niée également, mais sauf que en fait ça a des conséquences ensuite sur le fonctionnement même de cette industrie. C'est-à-dire que si effectivement la consommation d'électricité devient trop massive, au bout d'un moment ces industries-là, ces data centers ne pourront plus être alimentés en électricité. Donc la logique de la bulle, c'est une logique de la négation de l'aspect physique des contraintes d'infrastructure. Mais ces aspects physiques, elles sont présentes et donc elles vont évidemment rattraper cette industrie-là. Elles vont les rattraper parce que aussi, au bout d'un moment, il y a un risque en fait de surcapacité. Et ça, c'est évidemment le grand risque qui fera, on en parlait au début. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment la bulle éclate? C'est quand on se rendra compte que en fait on est en surcapacité. Alors cette surcapacité, elle peut passer à la fois par le fait que les gens n'utilisent pas autant l'IA que ce que les industriels ont espéré, mais aussi le fait que les gens utilisent effectivement l'IA, mais cette utilisation, en fait, elle est tellement coûteuse que en fait on est dans une surcapacité où en fait chaque unité d'utilisation coûte de plus en plus cher, et donc on perd de l'argent, en fait, comme dirait Alphonse Allais, hein, on perd de l'argent sur chaque chapeau et on se rattrape sur la quantité. Donc évidemment, on a des pertes qui deviennent colossales. Donc ça peut être effectivement un autre élément, parce que précisément ces contraintes physiques viennent peser sur la rentabilité générale du système. Si je me permets de résumer, si on reprend cette formulation, on va dire, de bulle industrielle, donc si on prend le rail, on avait tout un ensemble d'acteurs, on avait ceux qui produisaient l'acier, ceux qui construisaient les lignes de chemin de fer, ceux qui possédaient les lignes de chemin de fer, ceux qui exploitaient les lignes de chemin de fer. Là, aujourd'hui, on a ceux qui construisent les puces électroniques, ceux qui possèdent les data centers et ceux qui font tourner les IA dans les data centers, si on résume. Et la question, c'est de dire qu'il y a certains acteurs, on sait qu'ils font du profit aujourd'hui et que tout va bien pour eux, donc dans le cas aujourd'hui de l'IA, ce serait Nvidia qui produit des puces et qui fait des bénéfices énormes. Mais de l'autre côté, on a des acteurs où c'est incertain de savoir s'ils vont gagner de l'argent ou pas. Et la conclusion pour le chemin de fer, c'était que la société, l'État des États-Unis et de la France ont dit, en fait, avoir un réseau ferré, c'est très important pour nous. Donc on va socialiser le réseau et s'assurer qu'il existe. Est-ce qu'on s'approche pas de la question un peu du too big to fail, c'est-à-dire qu'à un moment, des États comme les États-Unis ou d'autres diraient, d'accord, peut-être que faire tourner un modèle d'IA à la fin, c'est pas rentable, mais ça nous donne un avantage économique, stratégique tellement fort que on va mettre de l'argent dedans. Alors oui, vous avez raison. Et en fait, il y a deux issues à ce système-là. Il y a deux issues en fait à la crise du chemin de fer. La première issue, c'est celle que vous avez dite, c'est-à-dire les États interviennent, soit en garantissant un niveau de rentabilité aux acteurs, soit en prenant en charge en fait la partie la plus coûteuse, c'est-à-dire l'infrastructure. Hein, c'est ce qui avait été décidé en France, en fait. France, il y avait des compagnies privées de chemin de fer, mais l'infrastructure était en grande partie construite et gérée par l'État. Mais à certains moments, l'État a même pris en directement le contrôle de compagnies qui étaient définitivement pas rentables, notamment la compagnie qui gérait le réseau de l'Ouest de la France et qui est devenue la compagnie de l'État. Donc ça, c'est la première issue. Puis la deuxième issue, c'est celle en fait d'une concentration autour des gagnants du système. Hein. C'est le système aux États-Unis dit de Carnegie, hein, qui était le magnat de l'acier, et qui effectivement, lui, a finalement dominé l'industrie du chemin de fer, aussi parce qu'il avait dans ses mains la seule partie rentable du système. Alors dans le cas de l'IA, le problème c'est que effectivement les coûts d'entretien de l'infrastructure sont tellement élevés a priori que même un acteur comme Nvidia et c'est un peu la logique de l'économie circulaire. Hein, Nvidia est au centre de cette économie circulaire. C'est elle en fait qui finance les achats de ces puces en fait. Mais effectivement, ça a des limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si c'est vraiment trop cher pour les acteurs, la rentabilité de ce système est extrêmement limitée. Donc effectivement, il faut se tourner vers l'État. Et c'est là où en fait on a une autre phase de l'industrie de l'IA qui est importante, hein, qui est son importance croissante dans les conflits et dans l'industrie de la défense. Et d'ailleurs, la guerre actuelle contre l'Iran s'explique aussi par le fait de vouloir tester sur le terrain des applications militaires à l'IA. Et à partir du moment où l'IA a des applications militaires majeures, où en fait la maîtrise de l'IA devient un élément de domination militaire du monde, évidemment l'État va venir pour éviter l'effondrement de ce système-là et va le soutenir en fait directement. Alors ça peut passer par plusieurs méthodes. Ça peut passer, c'est le cas actuellement aux États-Unis, par le système classique des baisses d'impôts, des subventions aux investissements, ce genre de choses. Mais lorsque vraiment tout le système menace de s'effondrer, la seule solution effectivement, c'est de soutenir directement et massivement en fait, soit par des nationalisations, soit par des soit par des subventions en fait massives, de soutenir l'intégralité du système, parce que c'est considéré effectivement comme un système qui est critique sur le plan de la défense nationale et de l'intérêt national. Donc effectivement, c'est là où on peut avoir c'est un élément qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire que en parallèle de cette bulle industrielle et financière, il y a aussi ce développement des usages militaires de l'IA, et que ce développement des usages militaires de l'IA en fait modifie en quelque sorte hein, la nature de cette industrie-là. Et si cette industrie en fait devient une industrie clé de la défense, bah, en fait, elle va déboucher sur une rentabilité qui sera subventionnée par l'État. D'accord. Oui, moi j'avais une question. C'est si on va dire la musique s'arrête, que la confiance est rompue, par exemple, vous parlez d'applications militaires, admettons, l'IA bombarde trop d'écoles et pas assez d'objectifs militaires, les gens arrêtent de demander des recettes de soupe ou des photos rigolotes à ChatGPT, ou les entreprises finalement se rendent compte que c'est quand même mieux d'employer des vrais juristes que des IA. Enfin, tout ça. S'arrête d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui peut arriver au vu des investissements qu'il y a derrière et des investissements financiers ou en termes de confiance ou autre. Alors, je me permets juste, vous avez raison, ça, c'est un des éléments qui vient en fait, tout ce que vous venez de dire, qui vient en fait miner la, qui pourrait venir miner la confiance dans l'IA. Mais ce qui est vraiment déterminant en fait, c'est la rentabilité de l'intégralité du système. C'est la capacité du système en fait à produire de la valeur. C'est ça en fait qui va être déterminant. Et en fait, ce qui fait que à un moment la confiance va être rompue, c'est qu'on va se rendre compte que en fait, produire de l'IA coûte plus cher que coûte cher quoi, et que en fait gagner de l'argent avec l'IA. En bout de course, hein, pas quand vous fabriquez évidemment les puces seulement, mais en bout de course, gagner de l'argent avec l'IA, gagner de l'IA pour les entreprises, c'est problématique. C'est-à-dire, si je prends un logiciel pour remplacer les juristes, évidemment, vous avez la question de la fiabilité de ce système d'IA. Ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais le plus important, c'est est-ce que je gagne de l'argent? À la fin, c'est-à-dire que est-ce que j'économise ce que j'ai économisé sur la suppression de mes salaires, eh bien en fait, je le gagne en payant ce système d'IA. Et c'est ça le problème, parce que produire en fait de la demande à l'IA, ça coûte tellement cher aujourd'hui que aujourd'hui les acteurs de l'IA en sont réduits à dire en fait, on va vous demander soit des paiements à l'acte qui seront extrêmement élevés, soit des abonnements qui, eux aussi, seront extrêmement élevés, qui pourront aller jusqu'à 20 ou 25 000 euros par mois. Et donc, effectivement, au bout d'un moment, est-ce que les gains de productivité que j'aurais réalisés en supprimant mes postes et en le remplaçant par une machine seront réels ou seront pas réels, c'est-à-dire que j'aurais pas gagné d'argent dans cette histoire. Donc, c'est ça en fait qui va. Donc en fait, ce qui va déterminer la fin de la bulle IA, c'est la mise en pratique de cette IA et la réalisation ou non de gains de productivité suffisants. Donc ça, c'est vraiment. Pardon, je fais un petit détour par rapport à votre question, mais je pense que c'est un élément qui est vraiment essentiel. Alors ensuite, une fois que la confiance est rompue, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que forcément, les niveaux de valorisation à la fois des entreprises en bourse, mais aussi des investissements qui ont été réalisés par les différents investisseurs, sont forcément revus à la baisse, puisque en fait, ces niveaux de valorisation reposent sur des utilisations massives, mais aussi des niveaux de rentabilité importants. Donc si ces niveaux de rentabilité sont pas atteints, et si en conséquence du fait que ces niveaux de rentabilité ne sont pas atteints, l'utilisation est moins forte que prévu, en fait il va falloir tout revoir à la baisse. Donc les cours de bourse vont commencer à baisser et à s'ajuster à des niveaux qui sont plus faibles, et il faudra également que tous les niveaux que tous les investissements privés qui ont été réalisés, eh bien, encaissent des pertes. Et donc ça, ça veut dire que en effet cascade, ben, il va y avoir un effet richesse négatif sur l'ensemble des acteurs du système financier qui vont en contrepartie demander plus de rentabilité aux autres secteurs de l'économie, qui vont réduire en fait leurs prêts aux autres secteurs de l'économie, ben, parce qu'il va falloir ajuster les pertes. Et ça, évidemment, ça peut entraîner un credit crunch, un effondrement du crédit, et derrière une récession et un affaiblissement en fait de la croissance du reste de l'économie, qui par ailleurs est en train aujourd'hui de s'ajuster en disant ben en fait on va pouvoir gagner de la productivité et du profit dans le secteur des services, etc. Et donc ça va s'effondrer, et donc évidemment ben tous les niveaux de profit envisagés vont reculer, et ça va entraîner à la fois une crise financière et une crise sur l'économie réelle. Alors, il y a un peu un éléphant dans la pièce, là, pour l'instant, dans cette émission, c'est le capitalisme. Dans votre ouvrage, vous analysez le capitalisme contemporain comme marqué par trois grandes crises qui se nourrissent entre elles, la crise économique, la crise écologique et la crise anthropologique. Mais vous divergez sur l'essentiel du diagnostic posé par donc cette notion de polycrise, donc, qui a été théorisée donc, par un historien, Adam Tooze, en mettant en avant le fait qu'il n'y a pas vraiment de polycrise, mais que la crise, en fait, s'explique par une cause unique, qui est celle en fait du capital. Vous avez une démarche marxiste, vous revendiquez effectivement du marxiste, et pour vous, dans cet ouvrage, si j'ai bien lu, il serait impossible à vos yeux de résoudre donc ce trilemme donc, de ces trois crises sans s'attaquer à ce qui fonde donc structurellement cette crise, à savoir la logique d'accumulation du capital. Est-ce que vous pourriez effectivement peut-être développer un peu l'idée que vous développez avec l'idée de dire que finalement cette fuite en avant de l'IA s'explique en dernière instance, comme dirait l'autre, par la logique même du capital, qui est celle d'être tout le temps dans une logique d'accumulation. Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette voilà. Alors moi l'idée que j'essaye de défendre, hein, c'est que effectivement ce qui est au centre de notre société aujourd'hui, de notre organisation sociale, pas seulement économique mais en fait sociale, hein, c'est la centralité de l'accumulation du capital. C'est l'accumulation du capital qui fait que la société dans laquelle on vit est celle qui est celle qu'on connaît. Et en fait, au fil de son développement, la logique capitaliste, hein, donc la logique de cette accumulation, elle commence à devenir de plus en plus, je dirais, destructrice, au sens où il y a de moins en moins, pour reprendre le terme connu, hein, de création destructrice, il y a de moins en moins d'éléments de création et de plus en plus d'éléments de destruction. Et ça se retrouve donc dans les trois domaines que vous avez rappelés, le domaine économique, où en fait, au bout d'un moment, la logique de valorisation est de plus en plus difficile à mettre en place parce que, eh bien, il y a une masse de capital qui est déjà mis en place dans l'économie. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Excusez-moi, on a perdu notre invité. Problème de connexion. Ou alors c'est un complot ourdi par le capital. Au moment où justement on parlait du capital. Ça va revenir, on va repartir. Nature, hein, ce que Marx appelle le métabolisme de l'homme et de la nature. Et en fait, la nature ne devient en fait qu'un objet d'exploitation, qu'un objet où en fait on va piocher pour en fait valoriser le capital. Le problème, c'est que la nature elle a sa propre logique et qu'effectivement il y a une réaction à ça qui est la crise écologique. Le deuxième et qui n'est pas d'ailleurs que la crise du réchauffement climatique, hein, qui est aussi la crise de la biodiversité, c'est la crise en fait des limites planétaires. Hein. Aujourd'hui, on a 7 des 9 limites planétaires qui sont dépassées, et ça c'est le produit d'une logique où la société est dominée par une accumulation qui, en fait, ne peut pas accepter l'idée de limite planétaire. Donc là, ça, c'est la crise écologique. Et puis, il y a une troisième crise qui est la crise anthropologique, qui est un peu la même chose. C'est-à-dire, en fait, bah, l'homme est soumis en permanence à des nouveaux besoins créés par le capital, nouveaux besoins qui sont profondément insatisfaisants et qui, en même temps, donnent lieu à l'ajout de nouveaux besoins qui correspondent, en fait, non pas à des besoins réels de la société et des individus, mais aux besoins du capital. Et ça, pour moi, l'IA est vraiment l'exemple typique de ça. C'est-à-dire que, en fait, l'IA ne promet même plus maintenant aujourd'hui d'améliorer la vie des gens. En fait, hein. Elle promet en fait de pouvoir faire les gains de productivité dont le capitalisme a besoin. Et donc, l'argent qui va dans l'IA aujourd'hui, ben, c'est de l'argent qui ne va pas en fait hein, au service public. Et par ailleurs, l'IA, elle se propose de penser à notre place. Hein. Donc, en fait, elle se propose en fait de faire en sorte que des entreprises capitalistes puissent créer des objets pour penser à la place des gens. Ça, évidemment, ça entraîne une crise anthropologique qui, à mon avis, est majeure, mais qui était déjà là. Donc, on a ces trois crises, et ces trois crises, comme vous l'avez dit, elles sont interdépendantes. Hein. La crise économique, elle fait pression sur la crise anthropologique parce que, évidemment, il y a une pression sur les salaires et que ça rend extrêmement difficile la satisfaction des besoins, mais aussi parce que évidemment l'organisation sociale est de plus en plus une organisation sociale atomisée pour les besoins de la valorisation et que ça aussi ça provoque la crise anthropologique. La crise anthropologique en retour, eh ben elle pèse sur la crise économique parce que les gens sont se posent la question du sens du travail parce qu'ils sont plus malades, parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, parce que voilà, et que évidemment du coup être rentable avec des travailleurs de cet ordre, bah, c'est plus difficile. Et puis évidemment la crise écologique, elle a des conséquences anthropologiques et économiques également. Donc en fait, on a cette chose là et l'IA, elle dit bah, moi en fait je vais régler le problème parce que d'abord je vais apporter des gains de productivité dans le secteur des services, qui est le secteur où les gains de productivité sont soit impossibles, soit extrêmement difficiles à réaliser, parce que je vais en fait favoriser des nouveaux besoins qui feront que on va à nouveau avoir une demande qui va repartir. Et donc, évidemment, pour les capitalistes, l'IA, c'est un peu le rêve. Le problème, c'est que l'IA, en fait, ne règle pas ce problème à trois corps. Parce que, d'abord, elle a un coût écologique qui est monstrueux dans une planète qui est déjà, on l'a dit, en dépassement de ses limites. Donc, c'est une fuite en avant. Parce que c'est une fuite en avant également anthropologique. Parce que, précisément, l'IA, en fait, ne fait que renforcer la tension entre les besoins réels de la population et les besoins créés par le capital. Et donc, elle creuse encore le fossé entre le monde du capital, hein, ce que Debord appelle le spectacle, et puis le monde réellement vécu, qui, lui, est de plus en plus, en fait, délaissé au profit de ce monde du capital. Et puis, en fait, on vient d'en parler, hein, elle ne règle même pas, en fait, la question économique, parce que, en fait, on se rend compte que la tension entre le processus de valorisation et le processus de production, il est extrêmement fort, et qu'il n'y a même pas la promesse de gain de productivité et de rentabilité est même pas assurée. Donc en fait, c'est une fuite en avant et c'est une fuite en avant qui est destructrice à la fois pour l'économie, pour l'écologie et pour l'être humain. Je pense que c'est une très bonne conclusion pour cette discussion. Je vous remercie beaucoup Romaric Godin d'avoir c'est été moi avec qui vous nous remercie. Aujourd'hui et on va passer à la pause musicale. C'était No One is Innocent avec What the Fuck, et on passe aux actualités d'attaque avec René. Oui, bonjour, d'abord les infos nationales. Solidarité avec la Palestine, nous voguerons vers Gaza au printemps 2026. Attaque, organisation altermondialiste, a toujours soutenu les peuples en lutte pour l'autodétermination et contre le colonialisme, dont le peuple palestinien. Aujourd'hui, ATTAC se tient aux côtés des initiatives citoyennes comme la Flottille de la Liberté pour Gaza, pour dénoncer le blocus illégal et le génocide auquel est soumis Gaza. La Flottille, partie le samedi 4 avril depuis l'Estac à Marseille, naviguera de concert avec d'autres flottilles qui partiront de différents ports méditerranéens. Non au règlement retour, ne laissons pas l'Union européenne céder à l'inhumanité et à la xénophobie. Communiqué du jeudi 2 avril 2026 du collectif Né ici ou venu d'ailleurs. dont ATTAC fait partie, en réaction au règlement retour adopté au Parlement européen, une nouvelle étape de la politique migratoire indigne qui transforme l'Europe en une forteresse et qui la rend complice de violations répétées des droits humains à ses frontières. Le collectif appelle à une large mobilisation pour dénoncer ce texte honteux et défendre un autre projet de société humaniste, solidaire et égalitaire. Alors, vers le premier point de départ d'un cycle de conquête sociale. Donc, le communiqué du 26 mars de l'Alliance écologique et sociale, dont ATTAC est l'une des organisations fondatrices. Nous nous mettons en ordre de bataille pour remettre les luttes sociales et environnementales au cœur du débat public, défendre une écologie protectrice du monde du travail, des classes populaires et des plus précaires, et dessiner un avenir de transformation sociale. Et signer la pétition pour taxer les super-profits pétroliers. Alors, c'est un communiqué d'ATTAC France du mardi 7 avril. Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, les cours du pétrole atteignent des nouveaux records. Les multinationales pétrolières ont profité de ces événements dramatiques pour augmenter les prix et engranger des marges considérables. Selon Greenpeace, elle réalise plus de 80 millions d'euros de profits supplémentaires par jour depuis le début de cette guerre, et dont une grande partie se retrouve dans les paradis fiscaux. ATTAC propose de mettre en place un mécanisme de taxation unitaire des super-profits, afin de les taxer là où l'activité est réalisée. Les sommes dégagées pourraient être affectées à des mesures d'urgence sociale et écologique. Vous pouvez signer la pétition sur le site d'ATTAC France. À la recherche de l'impôt perdu, ATTAC France et l'Observatoire de la justice fiscale s'adressent à la commission d'enquête sur la fiscalité des très riches. Depuis le 25 mars, la commission d'enquête parlementaire sur la fiscalité des très riches mène ses auditions. Dans le cadre de ces travaux, ATTAC et l'Observatoire de la justice fiscale adressent leurs contributions sous la forme d'une note d'une vingtaine de pages intitulée « À la recherche de l'impôt perdu, le séparatisme fiscal des ultra-riches ». Une note adressée aux membres de la commission d'enquête qui demande à être auditionnés. Dans cette note, les organisations reviennent sur la manière dont la fiscalité a évolué en faveur des plus riches, sur les principales mesures à prendre pour mieux financer l'action publique, réduire les inégalités et relever les défis multiples et immenses de la période. La note est consultable sur le site d'ATTAC France. Au plan local maintenant, avec Morgane. Alors, le 9 avril a eu lieu la conférence débat « L'aérien doit-il changer de cap ?» Événement co-organisé par La Ruche, Sciences Po Lille et NADA, nom à l'agrandissement de l'aéroport de Lille-Léquin, avec le soutien du réseau Rester sur Terre. Anthony Vio, un ex-pilote de ligne, est venu témoigner de sa prise de conscience de l'impasse du transport aérien qui poursuit cependant une croissance effrénée malgré son impact considérable sur le climat et l'absence de solutions technologiques. L'événement a rassemblé une quarantaine de personnes. Le débat qui a suivi a suscité de nombreuses questions et réflexions pertinentes. Et une triste nouvelle à vous annoncer. En début de semaine, nos comités locaux ont appris le décès de Christine Poilly, qui faisait partie du comité local de Villeneuve-d'Ascq. Militante très active, elle était engagée dans de nombreux combats, comme Bure, contre les gaz de schiste et de houille, pour la COP21 en 2015, contre la ferme des 1000 vaches à Notre-Dame-des-Landes, contre Tropicalia, etc. Elle était retournée depuis quelques années dans sa région d'origine, la baie de Somme. C'est un choc, notamment pour celles et ceux qui l'ont bien connue, et nombreux d'entre eux lui ont rendu hommage et témoigné leur sympathie à sa famille. Une petite actualité concernant le collectif Eau. En effet, il y a une relance du collectif Eau, donc c'est un collectif pour le retour en régie publique de l'eau et pour les premiers mètres cubes gratuits. C'est une relance qui est en projet avec la rédaction d'un nouveau manifeste. Alors, migration et migrants. Sophie Djigo, que nous avons reçue il y a peu à ce micro, était en appel fin mars à Douai. Sophie Djigo est cyberharcelée par l'extrême droite pour un projet avec ses étudiants auprès de l'auberge des migrants à Calais et poursuit dans un nouveau procès pour diffamation ceux qu'elle considère comme les inspirateurs de ses harceleurs pour avoir dénoncé publiquement son projet et l'avoir accusé de disposer une idéologie ou de se livrer à un endoctrinement et à de la propagande pour le grand remplacement. 9 personnes ont été appelées à comparaître, dont Éric Zemmour, le fondateur de Reconquête. 2 élus FN égale RN du Nord également, le député Alexandre Dufossé et le sénateur Joshua Auchard. Sophie Gigot vient de publier « La solidarité n'est pas un crime » chez Textuel. Et toujours question des migrants, Attaque fait son cinéma. Donc le jeudi 14 mai, au cinéma L'Univers, nous projetons le documentaire de Cécile Allégra, « Le chant des vivants », celles et ceux des migrants survivants au passage de la Méditerranée, réunis dans une association solidaire de l'Aveyron. Eh bien, on espéra vous voir au cinéma L'Univers le 14 mai. Eh oui. Super, merci. C'est la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve le 16 mai prochain pour une nouvelle émission. Restez à l'antenne. Dans un instant, ça va être El Barrio Jazz. Et puis ensuite, à 14h, l'histoire au cinéma et dans les séries. C'est l'épisode 1 de l'émission. L'émission... Ah, j'ai oublié le titre de l'émission. Cinéma m'était compté, c'est ça. Voilà, bon après-midi à vous et bon week-end. Au revoir. Bonne journée. Shaking your head, you think that I'm really lazy. I don't pretend that I enjoy being busy. All I want is to lay down in the canopy, working on why it's not my thing. I'm getting among keys. Yeah, I'm the fool of the trees. Yeah, I'm getting among keys. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la love of mine goes on and on. Though life is empty since you have gone, you're always on my mind, though out of sight. It's lonesome through the day, and oh, the night, I cried my heart out, it's bound to break, since nothing matters, then let it break. Sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it? This love of mine. Matters, then let it break.